jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 17 avril, nous souhaitons une bonne fête au Anissé, ça vient du grec signifiant invincible. Anissé est une femme charmante, douce et agréable de contact, même si elle se montre introvertie, prudente et souvent méfiante de prime abord. Son émotivité est forte et sa sensibilité épidermique au point de la rendre assez vulnérable au moindre traumatisme affectif. Elle tend donc à se préserver, ce qui ne l'empêche pas d'être généreuse et très facilement concernée par les autres. D'une grande plasticité émotionnelle, facilement heurtée et blessée par la vie, Anissé peut se réfugier parfois dans des rêveries ou des chimères plus ou moins irréalistes ou utopiques, être attirée par le merveilleux, le fantastique, voire les paradis artificiels. Souvent concernée par sa famille et les responsabilités qui en découlent, Anissé fait facilement abstraction d'elle-même. Dicton du jour, et on en a trois. À la Saint-Anissé, le soleil réapparaît. Beau temps à la Saint-Anissé et l'annonce d'un bel été. Avril froid à la Saint-Anissé, pain et vin donnent, mais froid les moissonnent. Célébration internationale. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des luttes paysannes créée en 1996 au Brésil à la suite de la répression d'une manifestation par le mouvement des sans-terres. Journée mondiale de l'hémophilie en mémoire de la naissance en 1926 de Frank Schnabel, fondateur de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Au Gabon, c'est la journée des femmes et au Samoa américaine, c'est la journée du drapeau, fête nationale. Dans les événements qui se sont déroulés un 17 avril en 1958, c'était l'ouverture de l'exposition universelle en Belgique et en 1970, Apollo 13 revenait sur Terre. Allez, tout de suite, première pause musicale avec Michael Sambello et son titre Maniac. Down, girl, on a Saturday night, looking for the fight of her life. Michael Sambello avec le titre Maniac sur RGM. Presque 8h37, on parle anniversaire. Ils sont nés un 17 avril 1954, naissance de Michael Sambello, guitariste, auteur, compositeur, interprète américain. 1957, naissance de Zinedine Soualem, acteur français vu dans Le Péril Jeune, La Haine, Didi, Les Randonneurs, Trafic d'Influence, Astérix Obélix, Mission Cléopâtre dans le rôle de Feu d'Artifice, L'Auberge Espagnole ainsi que les suites Les Poupées Russes et Casse-Tête Chinois dans le rôle de Monsieur Boubacar, Ah si j'étais riche, L'Incruste, La Maison du Bonheur dans le rôle de Mouloud Mami, Le Scaphandre et le Papillon, Bienvenue chez les Ch'tis dans le rôle de Momo, Rien à déclarer dans le rôle de Lucas ou encore Chacun sa vie ou plus récemment Épouse-moi mon pote. 1959, naissance de Sean Bean, acteur britannique vu dans GoldenEye dans le rôle d'Alec Trevelyan alias Janus, vu dans Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau dans le rôle de Boromir, Benjamin Gates et le trésor des Templiers, Silent Hill, Percy Jackson le voleur de foudre et Percy Jackson la mère des monstres dans le rôle de Zeus et vu dans quelques épisodes de la série Game of Thrones dans le rôle d'Eddard Stark. 1967, naissance de Kimberly Elise, actrice américaine connue pour son rôle de Maureen Scofield dans la série télé Close to Home, vue également dans Private Practice ou encore Grey's Anatomy. C'est également l'année de naissance d'Henri Yann Cusick, acteur britannique d'origine péruvienne, connu pour son rôle de Desmond Hume dans la série télé Lost, Les Disparus, vu aussi dans 24 heures chrono, Scandale, Mentaliste ou encore Les Saints dans le rôle de Marcus Kane. 1970, naissance de Tammy Roman, actrice américaine connue pour son rôle de Maureen Williams dans la série télé Moonlight. 1972, naissance de Jennifer Garner, actrice américaine vue dans Pearl Harbor dans le rôle de Sandra, Arrête-moi si tu peux, Daredevil dans le rôle d'Electra Natchios ainsi que dans le film Electra, 30 ans sinon rien, Valentine's Day dans le rôle de Julia Fitzpatrick, la série télé Alias bien évidemment dans le rôle de Sydney Bristow. 1974, naissance de Victoria Beckham, styliste, designer, femme d'affaires britannique, mais on l'a surtout découverte en tant que chanteuse hein, dans le fameux Girls Band, les Spice Girls, petit retour dans les années 90 avec un petit extrait de leur titre Stop. Pour l'extrait des Spice Girls, et on continue les anniversaires. 1976, naissance de Mai Wen, actrice réalisatrice française vue dans Léon, Le Cinquième Élément, Le Bal des Actrices, Police dans le rôle de Mélissa. Elle sera bientôt à l'affiche du film All Inclusive de Fabien Antoniente. Elle interprétera le rôle de Paloma, réalisatrice et scénariste des films Le Bal des Actrices et Police. 1985, naissance de Rooney Mara, actrice américaine vue dans Freddy, Les Griffes de la Nuit dans le rôle de Nancy Holbrook. Millennium, Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes dans le rôle de Lisbeth Salander, Carole dans le rôle de Thérèse Bellivette qui lui a valu au Festival de Cannes 2015 le prix d'interprétation féminine, vu aussi dans Pan ou encore Marie-Madeleine dans le rôle de Marie-Madeleine. C'est également l'année de naissance de Joe Wilfried Tsonga, joueur de tennis français, professionnel depuis 2004, meilleur classement ATP, la cinquième place atteinte en 2012, une fois finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à Wimbledon et quart de finaliste à l'US Open. Aux Jeux Olympiques, il compte une médaille d'argent remportée en double en 2012. Il a remporté avec ses coéquipiers de l'équipe de France la Coupe Davis en 2017 et il a remporté également une Hopman Cup, c'était en 2014. 1986, naissance de Romain Grosjean, pilote automobile français évoluant en Formule 1 depuis 2009. Il compte à son actif 10 podiums réalisés entre 2012 et 2015. En 1790, décédé Benjamin Franklin, écrivain, philosophe, physicien, inventeur et diplomate américain, il a participé à la rédaction de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, dont il est un des signataires, ce qui fait de lui l'un des pères fondateurs des États-Unis. En 1960, décédé Eddie Cochrane, musicien rock américain. En 1986, décédé Marcel Dassault, ingénieur, entrepreneur, constructeur d'avions français, connu en tant que fondateur et PDG du groupe qui porte son nom. En 2003, décédé Earl King, auteur, compositeur, guitariste de blues, rock'n'roll et rhythm and blues. Allez, avant d'écouter Eddie Cochrane, on fait un point sur les sorties cinéma. On commence tout de suite avec un film qui va autant cartonner, on pense, que 50 nuances de Grey. Il s'agit d'After, chapitre 1, romance de Jenny Gage, adapté des romans du même nom, avec donc pour acteurs Joséphine Langford, Errofine Stephen et Samuel Larson, entre autres. Autre film, La Malédiction de la Dame Blanche. Alors ça, c'est pas pour moi. Film d'épouvante d'horreur de Michael Chase avec Linda Cardellini, Roman Christou et Jenny Lynn Kinchen. Un film d'animation. Autre univers, c'est Monsieur Link. Autre film, Just Gigolo, comédie d'Olivier Barou avec Cadmerade, Anne Charrier ou encore Léopold Moati. Autre film, Raoul Taburin, comédie de Pierre Godot avec Benoît Poulvorde, Edouard Baird ou encore Suzanne Clément. Film d'animation, La Princesse des Glaces, Le Monde des Miroirs Magiques. Autre film, Walking Woman, un drame de Michel Aviad avec Liron Bench Schluch, Ménage Noy et Oshri Cohen. Et enfin, dernier film, c'est un documentaire. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air pas mal. Ça s'appelle Le Cercle des Petits Philosophes. Voilà pour les sorties cinéma, si le cœur vous en dit aujourd'hui. Allez, tout de suite, on écoute Eddie Cochrane avec son titre « Summertime Blues ». I'm gonna raise a holler about working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says, no die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. My mom and papa told me, son, you gotta make some money. Now, if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Et voilà, je me suis fait surprendre par la fin. Eddie Cochrane avec son titre Summertime Blues sur le 107 FM, un peu plus de 8h45. On fait un point météo. La météo. Alors ce matin, il y a un petit peu de brouillard, hein. Soyez vigilants. On aura des nuages, mais principalement ce sera une journée ensoleillée. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 16 et 18 degrés pour cet après-midi. Jeudi, très belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 18 et jusqu'à 20 degrés prévues pour jeudi après-midi. Pour vendredi, soleil avec quelques nuages, peut-être même des orages à prévoir pour vendredi après-midi. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 19 et 20 degrés pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Football, quart de finale retour de la Ligue des Champions et l'Ajax d'Amsterdam a créé la surprise en s'imposant 2-1 à la Juventus de Turin. L'Ajax est donc qualifié. Autre qualifié hier soir, Barcelone qui s'est imposé 3-0 face à Manchester United. Ce soir, Porto reçoit Liverpool et Manchester City reçoit Tottenham. Et en Ligue 1, Nantes reçoit le Paris Saint-Germain, privé de beaucoup de joueurs d'ailleurs, notamment Kylian Mbappé. En basket, en NBA, cette nuit, l'équipe de Orlando d'Evan Fournier à 10 points s'est incliné face à Toronto 111-82. Toronto est donc revenu à égalité une manche partout dans ses playoffs. Autre playoff en hockey sur glace en NHL, on a deux Français qui disputent en ce moment les playoffs. Pierre-Édouard Belmar avec son équipe de Las Vegas qui s'est imposé hier soir 5-0 face à San Jose. Las Vegas mène 3-1 sa série. Et l'équipe d'Alexandre Texier, Columbus s'est imposé hier soir 7-3 face à Tampa Bay. Columbus remporte cette série 4-0. A noter hier soir les deux buts pour notre jeune tricolore Alexandre Texier, qui va donc continuer son aventure en NHL, puisque son équipe est donc qualifiée pour la suite des playoffs. Un mot de tennis avec le tournoi de Monte Carlo et l'abandon hier de Joe Wilfried Tsonga face à Fritz. Herbert s'est imposé en 2-7 face à Verdasco, 6-4, 6-4. Simon s'est imposé en 2-7 face à Popirine, 7-5, 6-1. Manarino s'est incliné en 2-7 face à Nori, 6-4, 6-3. A noter l'élimination de Cilic en 3-7, la qualification en 3-7 de Djokovic. Et Cecchinato est venu à bout de Stan Wawrinka en 3-7, 0-6, 7-5, 6-3. Aujourd'hui, Herbert aura un gros match face à Kei Nishikori. Simon, lui, sera opposé à Fabio Fognini. Alexander Zverev se reposait à Auger à Aliassime. Nadal affrontera son compatriote Bautista Agut. Tim se repose à Clizane. Il y aura également les matchs de Tsitsipas et de David Goffin, entre autres. Et un mot de rugby, Fabien Galthié va intégrer le staff de l'équipe de France en vue de la Coupe du Monde de cette année qui va avoir lieu au Japon avant de devenir sélectionneur des Bleus jusqu'au Mondial 2023 qui lui aura lieu en France. Voilà pour l'actu sportive. Va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Earl King et son titre Come On. People see me but they just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you baby like a mine of love gold. So come on baby and let the good time roll. Understood. It's even nicer when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. So come on, baby, and let the good time roll. We'll be right back. carelessly. My love, baby, isn't the kind that folds. So come on, baby, and let the good time roll. Sur RGM avec son titre Come On. Il est presque 8h52, c'est déjà l'heure de se dire au revoir avant de se quitter. Un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h, regarde ailleurs. À midi, Mika Journal, tellement vu, c'est nouveau. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou. 16h, 90 minutes pour Boomerang. 20h, Nothing But The Blues. 21h, la Big Antenne avec Damien. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.